بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في هذا الكتاب وفي سورة البقرة، سنخوض اليوم المسألة 26 في قوله تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. Dans sa parole ou dans le sens où Allah dit: ceux-là ne feront que manger dans leur ventre du feu et que Allah ne leur parlera pas le jour du jugement, le jour de la résurrection. Surat al-Baqarah, verset 173, ou 174 plutôt. Il y a des passages qui ne sont pas cités, d'accord, on va résumer la mas'ala. Car il cite des choses liées au usul, qui sont un peu compliquées à expliquer, et des khilafs entre les a'immah dans les mazahib. Nous, on va se contenter du shahid. Qala, هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة لأن قوله تعالى ولا يكلمهم فعل في سياق النفي وقد تكرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من سياق العموم. Donc ce verset, son apparent laisse entendre que Allah عز وجل ne parlera pas aux kuffar, aux mécréants, يوم القيامة. Car sa parole lorsqu'il dit ولا يكلمهم, qui ne leur parlera pas, C'est un verbe dans une connotation de négation. Et il a déjà été clarifié dans la science des usul que le verbe qui vient dans une phrase à sens de négation, cela fait partie des formules de généralité. Ça veut dire là yukalimuhum et il ne parlera à aucun d'entre eux. Ça revient kazalik aux règles de usul. Après, si tu as le khilaf qui est par rapport à ce mas'ala, et pour ne pas non plus trop s'étaler, et du fait que cela demande certaines connaissances, inshallah, on va passer le sujet. ثم قال وقد جاءت آية أخرى تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة كقوله تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. Et d'autres versets sont venus montrant que Allah Azzawajal leur parlera yom al-qiyama. Comme ça parle dans le sens où il dit ô notre Seigneur, sors-nous, c'est-à-dire du feu. Il dit soyez-y humiliés et ne me parlez pas. Surat al-Mu'minun, les croyants, versets 107 à 108. Donc là, Allah Azzawajal, quand l'air sa'oufiha, il leur dit d'accord, il leur dit ne me parlez pas. والجواب عن هذا بأمرين. Il va donner deux réponses. الأول وهو الحق. La première réponse, celle qui est la plus juste pour lui. أن الكلام الذي نفى الله عن أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير. وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم. ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم. Donc cette première réponse c'est que la parole que Allah ne leur donnera pas, qui ne leur parlera pas, c'est la parole qui contient du bien. Quant aux reproches, aux réprimandes et aux blâmes, ainsi que l'humiliation, alors la parole d'Allah sera pour eux, et cela pour leur ajouter du châtiment à leur châtiment. Et que lorsqu'il l'a dit qu'il ne leur parlera pas, il n'a pas voulu par là une négation, mais dans l'absolu. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ أَصْلًا وَإِنَّمَا تُكَلِّمُهُمْ الْمَلَائِكَ بِإِذْنِهِ وَأَمْرِهِ. Qu'il ne leur parlera pas du tout, mais cependant, ce sont les anges qui leur parleront avec sa permission et son ordre. Car il est ma'ruf que l'action peut être attribuée à celui qui l'a commandite, même s'il n'est pas celui qui l'a commise. Mais on dit, le roi a construit telle ville, ou a fait construire telle ville. Il a construit telle ville ou tel palais ou tel masjid. À la base, le roi n'a rien fait. Mais il veut dire par là que c'est lui qui a ordonné, qui a mis en place et qui a envoyé les employés, les ouvriers et qui a tout payé pour que cela se fasse. Donc on lui attribue à lui cette chose-là. Et dans le Coran, ça aurait arrivé beaucoup également qu'Allah Azzawajal s'attribue des choses à lui-même alors qu'il n'est pas celui qui agit directement, mais ses anges ou ses messagers. Et kazalik, parmi les choses qui peuvent réfuter à cette deuxième réponse, c'est que dans le hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma minkum min ahadin إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. Qu'il n'y a aucun d'entre vous sans que son Seigneur, d'accord, sans que son Seigneur ne lui parle le jour de la résurrection et qu'il n'y aura entre eux aucun interprète. Et également, il est connu que les kuffars, il leur sera débattu leurs mauvaises actions. Donc Allah Azza wa Jal leur parlera. Mais il leur parlera de quelle façon ? De façon à ce qu'ils subissent les châtiments de réprimande, de taubir et de reproches et de blâme. Naam. Hadha wa sawab fi hadhihi al-mas'ala. Et cette mas'ala, même dans les kutub de Aqidah, vous la trouverez également. Inch'Allah. Naam. Fabi hadha naktafi. Wa nakul alhamdulillahi rabbil alamin.